Chapitre 3e. Assis maintenant en face de Louis Ribert, Guillemard, tout en mangeant de bon appétit, se plaignait du soleil qui lui arrivait dans les yeux, mais il n'osait pas garder son chapeau sur sa tête à cause de Madame Ribert, pour laquelle il avait des respects profonds, étranges chez ce potentat de la finance. Elle l'intimidait décidément et le troublait. Le cousin Louis, un peu frileux, s'égayait au contraire de ces flambées de lumière et de ce bain de printemps. Il ressemblait si peu à Guillemard, physiquement et moralement. C'était une de ces natures affinées, aiguisées quotidiennement par la vie de Paris, et devenues polies comme des cailloux fins, à force d'être roulées par tous les torrents de la vie. Maigre, avec toute sa barbe, joli garçon, mais ne cherchant point à le paraître, ni élégant, ni négligé, toujours vêtu d'une redingote noire comme un bourgeois, trouvant ridicule qu'un artiste ne se résignât point à ressembler à tout le monde, laissant l'excentricité aux romantiques et vivant plutôt en curieux qu'en producteur. « Tu n'as encore rien envoyé au salon cette année ?» lui demandait Guillemard, sa fourchette à la main. « Moi, dit Louis, je laisse les autres exposer. Pourquoi ? Ça me dégoûte cette peinture à l'aune, cet art au tas. » « Tu es un mécontent. »« Et de quoi serais-je mécontent, grand Dieu ?»« De toi, qui es un paresseux. »« Ou un dédaigneux, » dit la petite Raymonde, en regardant de ses gentils yeux bleus son cousin Louis. Ribert était là, en effet, visiblement, et à 38 ans, arrivait à une sorte de dédain de tout ce qui avait été la fièvre de ses 20 ans. Il touchait le fond des choses. Il trouvait déjà les rêves vides et les espoirs inutiles. Son mot était « à quoi bon ?»« Dans 4000 ans, disait-il parfois, qui se souciera de nous, je vous le demande. Alors pourquoi se casser la tête? Les contemporains vous méconnaissent, la postérité ne vous connaît plus, une jolie gueuse la gloire. » S'il travaillait encore, c'était pour lui, pour tuer le temps. Le premier, il avait exprimé la modernité des êtres et des choses, les coins de ville où l'on passe tous les jours et les créatures qu'on y coudoie, les poésies du carrefour, les mélancolies ou les splendeurs des couchers de soleil parisiens, le long des quais, sur les places, dans les profondeurs attristées ou rougies des rues. « Tu ne peins que des sujets parisiens ?» lui disaient les vieux camarades, des Romains, des Palognons qui se tournaient vers l'Institut. « Parce qu'il n'y a que Paris qui m'amuse, » répondait Ribert. Chaque fois que j'ai voyagé, je l'ai regretté, Paris. À Naples, devant le Vésuve, il y a des couchers de soleil étourdissants, de vrais feux d'artifice, des rubis, des améthystes, ce que tu voudras. Je donnerais tout ça pour un coucher de soleil sur Paris vu du pont de la Concorde. Je ne peins que Paris parce que je n'ai vécu qu'à Paris, et je vais plus loin parce qu'on ne vit qu'à Paris. Il avait dégagé des banalités courantes de Paris les poésies qui s'y blottissent. Les êtres qu'il saisissait, dans leurs gestes ou leur physionomie de tous les jours, c'était le passant, le bourgeois, la petite ouvrière, l'homme du peuple, la grande dame descendant de son coupé. C'était, sous la lumière des lustres, dans un salon, les éclairs lumineux sur la soie des épaules, les taches sombres des habits noirs sur les tapis clairs et les panneaux blancs, tout le caractère particulier à notre vie, monotone et curieuse à la fois. Quand il peignait cela, il disait simplement « Je prends des notes. » D'ailleurs, un peu dégoûté par les gros succès tapageurs, la peinture de boudoir faite pour les filles ou de mélodrames arrangés pour le gros public, vivant en amateur, Louis n'avait gardé de ses chimériques ambitions d'autrefois qu'un fin esprit de Parisien qui a tout vu, tout passé au crible, vivant parfois des journées paradoxales de curieux engagés de tout voir. Journée commencée le matin au dépôt de la conciergerie, où, recherchant les contrastes en gourmet de parisianisme, il faisait sur son album entrouvert des croquis de prisonniers ramassés la nuit, et finit le soir ses journées étranges à l'opéra, au foyer de la danse, où il fixait dans son œil les aspects pâlots et exquis des petites danseuses ou encore dans la salle, où il étudiait le profil de quelques jolies blondes, fines et pâles, presque rousses comme la cousine Raymonde, dont on retrouvait continuellement le type, le profil, les cheveux, le joli sourire dans ses tableaux. Des tableaux très rares, car il travaillait le moins possible. À quoi bon ? Il était heureux ainsi. « Je vis assez content, » disait-il. « Oh, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Quand j'avais tous mes cheveux, c'était bien simple, et il me semblait que sur un coussin de velours, un tas d'échevins allait continuellement m'apporter les clés des villes prises par la seule puissance de mes 20 ans, des clés d'or en paquets, ouvrant des coffres ou des boudoirs. On t'en donnera, mon bonhomme. J'ai déchanté. Et si la vie m'accordait seulement 2% sur les espérances que j'avais mises en elle, ma parole, je crois que j'aurais fait un joli marché. » D'autrefois, Louis avait des raisonnements moins résignés. Et du haut de la rue Torlac, où il vivait, regardant Paris au loin, à demi perdu dans la brume, il se disait que pour avoir sa large place dans ce tas d'hommes fourmillants et sa maison dans ces amas de maisons, s'il fallait cependant lever le doigt, faire simplement un signe ou un souhait, il ne serait pas signé de renoncer à la fortune. Mais encore une fois, à quoi bon? Il lui fallut que la fortune vînt à lui. Quant à aller à elle et à faire quoi que ce soit pour la violenter, ma foi, non. Alors, même le mandarin, le fameux mandarin inconnu qui végète là-bas, tu ne lui donnerais pas une pichenette? Lui disait parfois le cousin Guillemard, riant toujours. Louis répondait. Eh bien non, je ne tuerai pas le mandarin, non, non. Pauvre diable de chinois, pourquoi faire? Mais je suis franc. Je demanderai volontiers de ses nouvelles, comme ces candidats qui s'inquiètent de la santé d'un académicien malade. Ah, il a passé une mauvaise nuit, vraiment, vous en êtes bien sûr. Ce n'est pas un farceur, votre moribond. Plus d'espoir, quel espoir? C'était là sa philosophie, une philosophie pratique, à mi-côte, comme son atelier de Montmartre. Il ne menait guère au surplus la vie d'un contemplateur et d'un homme dégoûté du combat. Au contraire, il se mêlait à tout, s'amusait de tout, se plaisait, avec son flair merveilleux de parisien érudit, à dénicher des bibelots dans les boutiques sombres des revendeurs, à se composer pièce à pièce, et pour peu d'argent, un musée de délicats, et il venait, en ces derniers temps, de fouiller dans les arrière-magasins des Batignolles et dans les taudis de la rue de Lappe pour trouver des curiosités, de vieilles ferrures espagnoles pour les vantaux de l'hôtel que Guillemard faisait construire rue d'Offémont. La cousine Raymonde l'avait chargé de ce soin-là. Louis taquinait volontiers Raymonde, mais elle aimait beaucoup et lui obéissait toujours. « Si tu veux, cousinette, nous irons ensemble acheter tout ça. Tu verras des quartiers que tu ne connais pas. » Raymonde hochait la tête. « Et que je ne tiens pas à connaître. Tous les gens en haillons me dégoûtent. « Cela tient, ma petite Raymonde, à ce que tu n'as regardé ce monde-ci qu'à travers la glace de ton coupé. Quand il pleut, il te semble tout simple d'être étendu dans ta voiture. Mais tu sais, il y a des gens qui pataugent dans la boue, et je t'assure que ce n'est pas toujours leur faute s'ils ont les bottines et les pantalons crottés. » Raymonde passait bien des théories à son cousin. Elle prenait tout ce qu'il disait pour des paradoxes. « Grand fou, bah !» Mais il l'amusait. Elle le regardait parfois d'un air tout drôle. « Qu'est-ce que j'ai donc ?» disait Louis. « Ah oui, un nouveau cheveu blanc, je parie. Tu as des yeux, toi ?»« Oh, des cheveux blancs, » répondait-elle. « J'ai 20 ans et Célestine m'en a trouvé un déjà, en me coiffant. Tout le monde en a, des cheveux blancs. Seulement, le tien s'en est allé, et les miens reviennent. Je parie que tu me trouves vieux, vieux, vieux, ma petite Raymonde. Moi, non. Je ne pense pas te trouver quoi que ce soit. » Et voilà, disait alors Hibert en riant, tu ne me trouves même pas. Je vais jouer les pères nobles. Cette plaisanterie, lorsque Louis, qui n'avait pas 40 ans, la répétait devant Guillemard, qui en avait 46, amenait une grimace aux lèvres gaies du banquier. En voilà des façons de rire. Mais à 45 ans, un homme est dans la plénitude de sa force. 40 ans, 45, mais c'est l'âge masculin. Émile avait encore des prétentions, et si la discussion commençait devant Geneviève Ribert, il se montrait aussi éloquent, ce diable d'homme, et aussi entraînant pour plaider la cause des gens de son âge, que s'il se fût agi de lancer et de placer une valeur douteuse. « Ça n'empêche pas, répliquait Louis, que si le nommé 20 ans, oui, mais ce n'importe qui, tu entends, entrer pendant que tu fais la conférence, tu verrais le coup d'œil des femmes. » « Ton avis, cousinette, n'est-ce pas, Raymonde ?»« Oh, moi, » répondait la cousinette. « Les jeunes gens de 20 ans, tu sais, cousin, je les trouve plus vieux que papa. » Émile, enchanté, embrassait alors sa fille, et le cousin Louis se sentait parfois devenir tout pensif, très curieusement troublé, quand il regardait au fond, tout au fond de ses jolis yeux bleus qu'elle levait sur lui, la jeune fille, pour savoir ce que cette petite tête pensait. Si jolie, sous ses frisons roux, un clouet, une fillette de la cour des Valois. Mais en dehors des bibelots qu'elle aimait à la folie, des bals, des promenades à l'avenue des Poteaux, du chic qui la passionnait, à quoi pouvait-elle songer, toute seule, quand elle rêvait? À quoi? À rien, parbleu, se disait Louis Ribert, et lui-même aussitôt n'y pensait plus.